Tu y vas faire attention. Tu y vas l'éclairer. Sans ça, si vous tombez sur les sous le pouvoir astral de l'argenterie, ben, c'est sûr que vous risquez de vous appauvrir si vous n'avez pas des parents et des grands-parents qui ont connu ça. Tu regardes les Juifs, comment est-ce qu'ils fonctionnent, tu sais. Ils ont tellement d'expérience avec la finance qu'ils enseignent à leurs enfants, tout. On n'a pas ce privilège-là, disons, parce qu'on ne fait pas partie de la même race. Alors, des riches pauvres, des Juifs pauvres, il n'y en a pas d'autres. Ça fait toute partie de leur mentalité, l'éducation, puis encore, il y a l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'on a des vies parfaites. Ça veut dire que sur le plan financier, ils sont capables de réellement fonctionner. Tandis que le petit gars qui vient de Chicoutimi, c'est à moins d'avoir un talent particulier là, pour la finance, faut qu'il soit en ligne. Ça marche? D'autres questions? Ça me repose des questions. Puis sont importantes. Comment tu fais pour casser l'indépendance? Vous avez un gros crise de problème de dépendance, puis il est gros, puis une fatigue. Vous êtes une femme qui avait trop besoin d'être aimée. Trop. C'est une maladie. Ça me fatigue. Besoin d'être aimée. Un gros lollipop. Ça me fatigue. Je ne vais pas vous en parler parce que je vais vous déprimer. Dans une condition comme la vôtre, occupez-vous de travailler, avoir une bonne job, voyager, voir le monde, puis vous verrez ce que la vie vous apporte en le sein. Puis goûtez-y. Le reste, c'est tout du là et pas. Question? Oui? C'est une façon de provoquer ces choses-là, dans le sens où... On va en faire du vélo, une mouillation, on va se péter à la gueule, c'est ça. Manger de la merde, du gros. Et à un moment donné, je veux faire quelque chose. Ça va peut-être que ça va arriver. Je pense pas. Pourquoi? Ça va être pas que ça. Ils disent que si vous testez la vie, la vie va vous tester. Il y a trop de ça aujourd'hui, le monde sont rendus que. Vous savez, le monde, ils veulent vivre, ils veulent sauter du bungee, sauter en parachute, ils veulent monter des buildings, des skyscrapers à Miami. Vous savez que l'homme a un death wish. Arrangez-vous donc pour vivre, pour qu'il y ait toujours du plaisir dans votre expérience, pas du risque. Éliminez le risque. Je vais vous en parler du risque. C'est quoi du risque? Premièrement, ils disent que du risque, c'est très astral, ça vous donne de l'adrénaline, mais ça les aide eux autres à déséquilibrer vos vies. Du risque. Je ne veux pas dire d'apprendre pas du risque dans la vie, il y a des temps que tu peux apprendre, mais des risques calculés. Quand je vois les jeunes sur l'autoroute, moi là, qui sont moins des bêtises à cause de... Moi, j'ai des autos... J'avais une auto très très performante, là, il y a 2, 3, 4, 5 ans, quand j'étais performant. Puis, il y a un petit gars, là, qui s'en va avec une grosse lune à côté de moi, là. Là, il était rendu à 160, puis j'allais plus continuer. Là, j'ai arrêté, puis j'ai dit, vas-y, s'il faut qu'il frappe une hirondelle, il est fait. Puis, il passait à côté de moi, puis quand j'ai arrêté, il a continué, puis il m'a fait bavard. Il était content de son coup. Un jour, vous voyez quelque chose, les hôpitaux sont pleins de paraplégiques, là. Tu peux pas prendre des risques, mais c'est quoi cette maladie-là? Ah, tu vas dire sa jeunesse. Bonne réponse, sa jeunesse. Faut qu'elle soit éduquée à la jeunesse. C'est le rôle des parents, c'est le rôle du monde autour de vous autres d'éduquer vos jeunes à pas prendre de risques. J'ai rien montré une moto, mais conduire ça comme du monde. Pas à 160 000 à l'heure. Tu frappes une pinotte à 160 000 à l'heure, là. T'es fait à l'os. Fait que ça, c'est de l'expérience. C'est des âmes qui sont jeunes. Risque. Prendre des risques, trop de risques, c'est des maladies de l'ego. Oui. On a quatre enfants, donc quand j'ai du temps, ça me permet de faire quelque chose. Puis on n'a pas beaucoup de temps. Donc,